histoire éternelle qu'on ne croit jamais. De deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. Et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle, au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles l'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile.